L'espagnol avec Michel Thomas, méthode pour débutants. CD numéro 2. Ce soir se dit esta noche. Le mot pour soir est noche, qui veut dire aussi nuit. Noche, pensez à nuit, à noctambule. Donc noche, nuit ou soir. Ça s'écrit N-O-C-H-E, noche. CH en espagnol se prononce TCH, donc noche, N-O-C-H-E, et esta noche, ce soir, cette nuit. Donc, c'est pour ce soir, se dira es pour para esta noche. Bien, es para esta noche, oui. Et comment direz-vous, est-ce que vous pouvez le faire ce soir? Puede. Puede, oui. Est-ce que vous pouvez le faire? Hacerlo. En effet, puede hacerlo ce soir. Esta noche. Bien. Puede hacerlo esta noche.